Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد الأشخاص Les gens أنا Moi, je أنا وأنت Moi et toi نحن الاثنان Nous deux هو Lui, il هو وهي Lui et elle كلهما Eux deux الرجل L'homme المرأة La femme الطفل L'enfant عائلة Une famille عائلتي Ma famille عائلتي هنا Ma famille est ici أنا هنا Je suis ici أنت هنا Tu es ici هو هنا وهي هنا Il est ici et elle est ici نحن هنا Nous sommes ici أنتم هنا Vous êtes ici كلكم هنا Ils sont tous ici. Ils sont tous ici.